sur la vitre, la nuit glisse, je ne dors pas. Dehors le ciel brille, 2000 rayons de lune, dehors le ciel brille et je ne dors pas. La nuit jette ses ombres dans la chambre, la nuit jette ses ombres et je ne dors pas. Dehors des spectres dansent au cime des arbres, dehors des spectres dansent et je ne dors pas. La nuit voyage sur des nuages, la nuit voyage et je ne dors pas. Dehors des navires tentent de rejoindre le port, dehors des navires s'égarent et je ne dors pas. La nuit fume sur les toits, la nuit fume et je ne dors pas. Dehors un incendie rougit, un bout d'horizon, dehors un incendie rougit et je ne dors pas. La nuit souffle des écumes, la nuit souffle et je ne dors pas. Dehors des embruns avalent quelques rivages, dehors des embruns volent et je ne dors pas. La nuit glisse sur la vitre, la nuit glisse.